Don't make me destroy you. All right. Come on, come on. Hey, pas de réflexion sur cette chanson. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. On se laisse aller une ambiance façon. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. C'est pour les papis, pour les mamies. Vas-y papou, fais le poussin. Écarte les pieds, cherche les grains. Quand on a trouvé, il faut picorer. Nouvelle façon, ensemble disons. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Mana wana mdoa. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Braquage verbal pour une fois les bras à terre. Habillez-vous, y'aura pas de jambes en l'air. Où sont les filles? Remuez-vous là, je veux entendre. C'est pas assez, place aux hommes, faut qu'on fasse mieux. Ouais, faut partout dans la salle, putain. Faut partout dans la salle, on sent le fire. Tita busy, kabeba fire. C'est smoker, yélé, nous face au combat. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Bouge, tu kiffes ça. C'est made in Rider. Bouge, tu kiffes ça. Ça vient de là, de là, de là. Bouge, tu kiffes ça. Medina Fica. Bouge, tu kiffes ça. Ça vient de là, de là, de là. Warga mwaga, waka silbiga. Nyokfu nafa kosu wa wa wa wa wa wa wa waga. Chitoto warba, wala imwaga. Wina ming, fuya mamrawa. Nyokfu mwaga, nkose. Chitoto nubizm, balsauga. Ayawa misim, ufi nyokfu nwaga. Nkose, ayitoto nubizm. Shama, la bien. Ya, ya, ya. A mon signal dans la foule quand on entend dangereux. On bloque. Picotis, picotage, lève la patte, me place à gauche. Dangereux. Bloqué. Tout à coup j'attaque à droite, rotation sur le côté. Mes mouvements sont cadencés, les poulettes sont satisfaites. Je lâche, tu laisses pour éviter que ça te blesse. Dangereux. Bloqué. Tout le monde se précipite pour me retenir, croyant que je vais tomber, mais c'est le style comme ça. Je glisse sur la gauche, glisse sur la droite. Rotation penchée, c'est dangereux. Bouge, tu kiffes ça. C'est made in Rider. Bouge, tu kiffes ça. Ça vient de là, de là, de là. Bouge, tu kiffes ça. Medina Fica. Bouge, tu kiffes ça. Ça vient de là, de là, de là. Yeah.